agitation nocturne remporte l'euphorie furieuse et dévastatrice. Agitez les cœurs de la jeunesse, de la Prusse orientale à la Bavière, de la Westphalie au bas de Württemberg. C'est le chasse du fureur sous les spots des miradors. On va en faire de la sueur pendant que la ville dort. Ce soir c'est l'éclatade d'or. Y'a une répète des sections d'assaut, mais ce sera jamais aussi chaud qu'au concert d'Adolphe à Nuremberg. Au festival SS organisé cet été dans toute l'Europe par la Gestapo. Festival SS organisé cet été dans toute l'Europe par la Gestapo. C'est le chasse du fureur sous les spots des miradors. On va en faire de la sueur pendant que la ville dort. Larsen avec sa mitraillette, hélas les terroristes sabotent les renouvelles en coupant les spots des miradors. Comme quoi ils ont eu très peur. Pour les spots des miradors, comme quoi ils ont eu très peur.